sur ton embarcadère, pas ton petit pompon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Dans le bleu de la mer, pas ton petit pompon. Quand tu te baignes, tu sais que tout est bon. Quand tu te baignes, tu sais que tout est bon. Y en a assez comme Samba, pas chercher ton ombrelle. Car ma pauvre cabessa, pas mourir au soleil. Y en a assez comme Samba, moi ça va, je suis grillé. T'auras pas ta tête Samba, on ne peut plus danser. Sur ton embarcadère, pas ton petit pompon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Dans le bleu de la mer, pas ton petit pompon. Quand tu te baignes, tu sais que tout est bon. Quand tu te baignes, tu sais que tout est bon. Dans pas tout peu tout pays, dans pas tout peu tout pays, tout pays peut être dans le pays, tout pays peut être dans tui, popo du du du, tu do bo do ti, tu po du du du ti, popo du du du ti. Écoute dans les gouttes qui gouttent de ton corps, quand sur la plage de la mer tu sens, quand sur la plage de la mer tu sens, laisse les dents glisser de ta peau sur le sable, et dessiner la forme de ton corps, et dessiner la forme de ton corps, jusqu'à ce que la vague vienne tout effacer et ne laisse qu'un vague reflet de ta beauté. Jusqu'à l'année prochaine où tu reviendras bronzé, ta jolie peau d'ébène, quand je te chanterai sur ton embarcadère, pas ton petit pompon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. Dans le bleu de la mer, pas ton petit pompon. Quand tu te baignes, tu sais que tout est bon. Thanks.